Studec Web. Studec Web, il est 14h, il pleut, il fait pas beau, il fait froid. Bienvenue dans le coup de boost. Aujourd'hui dans coup de boost, nous allons parler du nouveau carburateur à induction électromagnétique. Ça va être super. Ah ouais, mais non, c'est pas ça leur émission. Oupsie. Allez, faut se lever, c'est l'heure du coup de boost. Le deuxième réveil de la journée. De 14h à 15h sur Studec Web. Ah bah tu vois, c'était pas si compliqué. Bonjour à tous, bonjour, vous êtes sur le coup de boost, le deuxième réveil de la journée. Vous venez peut-être de passer à table, vous êtes dans ce qui s'appelle la pause digestion. Eh bien, on n'est pas d'accord avec ça autour de la table. Vous avez peut-être passé un lundi compliqué avec un week-end pluvieux. Et on est là pour vous redonner le sourire, le soleil. J'ai avec moi deux messieurs, ils sortent tout droit de Guantanamo. À ma droite, Mathias. Salut Nathan, salut tout le monde. Et ouais, je suis en grande forme aujourd'hui, si tu te demandes pourquoi, c'est parce que j'ai cassé mes deux chargeurs de téléphone hier. Enfin, cassé, c'est un bien grand mot, hein. Tu connais les chargeurs Apple. Ouais. Sans aucune raison, mais du coup, bah, écoute, j'ai pu dormir un peu plus longtemps et du coup, je suis au chômage. Voilà. Non, pas encore, bientôt le chômage, t'inquiète pas. Ah ouais. Oui, parce que t'es arrivé en retard quand même, il faut le dire. Ah bah, écoute. Mais tu fais toujours les trucs au dernier moment et c'est ce qu'on aime parce que tu vises toujours l'excellence, Mathias. On adore ça. Le meilleur. Club. En face de Mathias, j'ai un autre mec tout droit sorti d'une prison. Bon, là, c'est pas Guantanamo. On est plus du côté de l'Argentine. C'est Axel. Comment tu vas, Axel? Salut Nathan. Salut à tous. Bah écoute, ça va. Mais je suis un peu malade là, je t'avoue, parce que depuis quelques jours, j'ai un scooter. Donc j'ai ultra mal à la gorge. Je suis en train actuellement de mourir. Voilà. Donc je me soigne au Doliprane. Pourquoi tu te plains? Tu roules. Hein, mais je ne me plains pas. Je suis très très content vraiment d'être là. Vraiment. Ça me fait plaisir en tout cas de vous avoir tous les deux. Moi, j'ai passé un week-end d'enfer. Vous m'avez absolument pas demandé, mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. Ce week-end, j'ai reçu un SMS d'une fille. Elle me disait qu'elle était toute seule, tout ça, et qu'elle voulait me voir et tout chez elle. Intéressant tout ça, monsieur. Vous voulez savoir comment ça s'est terminé? Bah, tu l'as vu quand même, non? Tu l'as capté un truc Absolument pas, parce que hier soir, sur Gulli, il était une fois la vie. D'accord. Oh merde. Bah, je pouvais pas rater ça, les incroyable, mecs. Incroyable, Nathan. C'est la quatrième fois que tu nous fais le coup. Non, mais dessin animé culte, vous voyez, le choix est vite fait entre une fille et un dessin animé. Ouais, c'est vrai. Ouais, enfin bon. Mais moi, j'aimais bien ce dessin animé quand même. Avec des histoires, on apprenait des trucs sur la SVT, c'était cool. On n'avait pas besoin de regarder des dessins animés simples. Et même, parfois, les cours d'SVT, on pouvait les sécher et regarder ce dessin animé. Ça arrivait. C'est notre dose du jour, justement, les dessins animés. Tu sais qui est-ce qui m'a téléphoné hier? C'est pas vrai. C'est Jean-Louis. C'est pas vrai. Oh, la fofolle. Catherine Jablasi. Moi, un certain âge, bon, ça va. Belle plante blonde. Ah ouais, mais c'est trop bien, quoi. Le dose du jour sur Studec Web. C'est notre dose du jour, les dessins animés. Vous nous dites, vous, quels sont les dessins animés qui ont bercé votre enfance avec le hashtag dessins animés sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous, les gars, c'était quoi vos dessins animés préférés? Oh, franchement, moi, je pense que mon dessin animé préféré, c'était un truc dans le genre manga, tu vois. C'était plus moi les mangas que je kiffais pas mal. Manga et toi, Axel? Moi, clairement, c'était Titeuf. Mais j'y reviendrai dans un instant, mais vraiment, Titeuf, j'y m'identifie au personnage, tu vois. Vraiment, genre, j'avais l'impression que c'était moi, le mec qui galère à draguer, qui est pas hyper bon en cours. Enfin, c'était vraiment encore, et toi? Encore aujourd'hui, hein, t'as encore du mal avec les meufs. Tout à fait. On en parle dans un instant. Les dessins animés avec, aussi, on le rappelle, on n'est pas encore sur Dailymotion. On sera bientôt en direct, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui habillé comme des ploucs sur Studec Web. Le son de West on Me, Steve Aoki. You say love is messed up. You say that it don't work. You don't wanna try, no. Baby, I'm no stranger to heartbreak and the pain of always being let go. And I know there's no making this right, this right. And I know there's no changing your mind, your mind. But we both found each other tonight, tonight. So if love is nothing more than just a waste of your time, waste it on me. So we don't gotta go there. Past lovers and warfare. It's just you and me now. Yeah, yeah. I don't know your secrets, but I'll pick up the pieces. Pull you close to me now. This right, and I know. Don't you think there must be a reason? Yeah, like we had our names. Don't you think we got another season that come after spring? I wanna be your summer, I wanna be your wife. Treat me like a comma, I'll take you to one of fries. Yeah, come just eat me and throw me away. I'm not your choice, babe, waste, waste. And the world has no making this right, this right. Vous êtes les bienvenus sur Studek Web jusqu'à 15h. On est ensemble avec l'équipe du coup de boost. Yes, on est là. Oh là, vous êtes pas réveillés là, les mecs. Ah, hein, mec. C'est... Attendez, je vais le refaire. Je suis avec l'équipe du coup de boost. Ouais. Yes. Oh non, là on se croirait dans un terrain de rugby là. Non, faut se calmer. On est ce petit coup de pied au train arrière en début d'après-midi et on parle aujourd'hui des dessins animés. Sylvestre et Titi. Avec beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, comme d'habitude, avec le hashtag dessin animé. Est-ce qu'on a déjà des réactions, Axel ? Tout à fait. Sur Twitter, on a Julie de Aix-en-Provence qui nous dit « Moi, clairement, le dessin animé que je regardais genre tous les soirs en rentrant au goûter, c'était Bob l'éponge. » C'était trop marrant, effectivement. Bob l'éponge, c'était le petit personnage qui vivait dans un ananas sous la mer. C'était hyper drôle, mais j'adorais. Je regardais ça quand je revenais du goûter. C'est vrai que c'était pas mal, Bob l'éponge. Ouais. Le mec qui habitait juste à côté de Bob l'éponge, comment il s'appelait déjà ? Carlos. Carlos, et c'est pas avait... le nom d'un de nos techniciens, Carlos aussi. Exactement. C'est pas un de ceux qui est derrière l'écran. Carlos, c'est celui qu'on voit la semaine prochaine. Carlos, on t'embrasse. Oh mince, j'ai encore oublié la mort de Louis XVI. Ah, mais je t'avais dit de noter. Le post-it sur Tidek Web. Aujourd'hui, on est le 12 novembre. Hier, vous avez peut-être vu qu'il y avait la cérémonie du 100e anniversaire de l'armistice. Vous allez regarder ça à la télé ? Ouais, pas du tout. Quelle cérémonie, mon Dieu ! C'est impressionnant. Le casting était d'enfer. Ouais, c'était il y énorme. Avait Trump, Poutine, Macron, Merkel, Justin Trudeau, tous assemblés au même endroit. C'était quand même chaud. Ah bah mec, niveau sécurité... Niveau sécurité, ouais, j'ai regardé un petit peu. Ils avaient placé carrément des snipers sur les toits. Ouais, ils sont allés très très loin, très très loin. Mais aujourd'hui, nous sommes le 12 novembre. Et qu'est-ce qui s'est passé un 12 novembre, Axel ? Eh bien, un 12 novembre, on va commencer par le 12 novembre 1937, il y a eu l'inauguration de l'aéroport Paris-Le Bourget. Alors vous savez, l'aéroport de Paris-Le Bourget, c'est celui que malheureusement on n'a pas la chance de pouvoir prendre. Que tu n'as pas la chance de pouvoir prendre. Oui, c'est vrai, Nathan et Mathias, voilà, ils ont la chance de pouvoir aller au Bourget parce qu'en fait cet aéroport est réservé aux VIP, aux personnalités, aux célébrités. Nous, on a dû attendre 1974 pour que l'aéroport Charles de Gaulle à Paris ouvre ses portes et qu'on ait la chance de pouvoir voyager. Ce qui s'est passé aussi un 12 novembre, c'est l'album Rattle and Hum qui était en tête des ventes d'albums aux USA avec un extrait que je vous prépare, c'est U2 Desire. Un album qui s'est vendu quand même à plus de 15 millions d'exemplaires après sa sortie en 88 sur le label Island Records et qui a pourtant essuyé beaucoup de critiques. On continue Axel, avec un petit concert ce soir. Exactement, parce qu'ils sont en concert ce soir au Zénith de Paris, c'est les Black Eyed Peas. Le concert, il est complet de chez complet, mais sur certains sites de revente officielle, vous pouvez avoir la chance de trouver encore des places. Ça va être très très sympa, je pense. Faites gaffe aux fausses places devant la salle, on ne sait jamais. Début du show, 20h. Et moi, personnellement, je vous parle aujourd'hui des anniversaires. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire du nageur Florent Manaudou, qui souffle ses 28 bougies, et celui qui en souffle 10 de plus, c'est l'acteur américain Ryan Gosling, qui a récemment joué dans le sublime biopic First Man. C'est pas un vol comme les autres. Tu vas pas au bureau. Tu vas revenir à la maison ? Il y a des risques, mais on a bien l'intention de revenir. L'histoire de Gwen First Man, ça me dit rien du tout là pour le coup. Tu sais pas du tout. En fait, c'est comment dire, un biopic, une sorte de biographie sur Neil Armstrong. Ah, je l'ai vu. C'est hyper bien. Il est incroyable, hein. Ah mais c'est chiant, mais vraiment j'ai adoré. Ah ouais, mec, il fait passer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, je trouve. Et pourtant j'étais pas chaud du tout, mais c'est une meuf qui m'a dit et bah, j'étais non hyper plus content. Non plus. Vraiment. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Gilbert Melki qui a 60 ans. T'as un malade mental. Tiens, prends celui-là dans ton thermoule et allez vous faire voir. Allez, c'est qui le patron? D'où tu sors ces tasses, toi? De mes couilles, je sors ces tasses. Allez, va au bois. T'as vu ça, Eddie? On va se les manger grave. On va se les manger grave. De tes couilles. Avec un film, La vérité si je m'en capte, qui sort bientôt au cinéma. On aura le temps d'en reparler sur le coup de boost. On va faire un petit tour sur la météo avec Axel. De la pluie est à prévoir cet après-midi du sud-ouest au nord-est de la France. Le ciel reste beaucoup plus clair sur la moitié est, malgré de fortes averses sur les Cévennes. De la Bretagne au Pays de la Loire et la Normandie, le temps sera plus variable avec des éclaircies et quelques ondées par moment. Mais au fil de l'après-midi, les averses vont se renforcer, devenir plus fréquentes. Sur les littorales de la Manche, le vent de sud à sud-ouest soufflera jusqu'à 50 à 60 km/h. Des orages sont à prévoir du côté de la Manche et du Finistère. Des rafales de vent souffleront jusqu'à 100 km/h du Midi-Pyrénées au Massif Central. Soyez donc très vigilants. Les températures à présent, 14 pour Paris, Cherbourg et Limoges, 19 à Lyon et Dijon. Et la maximale est prévue pour Ajaccio en Corse, où il fera 21 degrés. Maison, poisson, hélicoptère, verre de terre, pain, biscotte. C'est chelou un petit peu. C'est le booster. Sur Studec Web. Le booster, on va jouer dans un instant pour tenter de remporter un cadeau exceptionnel, le pack Studec Web. Ah oui. Il y a beaucoup de choses dans ce pack, Axel. Ah là là là, si vous saviez. Eh ben dans ce pack, il y a un crayon Studec Web, il y a une affiche, un poster dédicacé par toute l'équipe. Visite des studios. Et là, bien sûr, la visite des studios, vous venez quand vous voulez nous voir, enfin c'est la totale. Incroyable. Beaucoup de choses à gagner. Pour cela, il va falloir tenter de remporter ce qu'on appelle le jeu du booster. On a un mot en tête, c'est le mot caché du jour, et votre objectif, c'est de poser un maximum de questions pour retrouver ce mot imaginaire que nous avons tous en tête. C'est, en fait, c'est comme un devine-tête en rapport avec le dos du jour qui est aujourd'hui les... dessins animés. Ok, on suit dans l'émission, super. Je vous donne un premier indice sur ce mot. C'est un personnage de dessin animé, comme ça, ça peut vous aider, c'est le thème du jour. C'est un personnage de dessin animé, donc vous pouvez commencer à chercher sur internet. Commencez à réfléchir, notez-vous des petits trucs. On vous donnera plusieurs indices dans la suite de l'émission. Vous serez ce qu'on appelle le Akinator de Studec Web. Dans un instant, on va parler des infos inutiles avec une info sur les boissons. Axel ? Sur les... Les quoi, tu m'as dit ? Les boissons. Les boissons. Et on va casser des idées reçues. Don't tell me not to dream. I got freedom. And that's everything to me. It don't matter. What I've got or where I go, I find shelter. A million miles from home, it ain't easy to keep going when it's hard. Keep shining in the dark when you wanna fall apart. But I'm a dreamer, so don't tell me not to dream. I'm a believer, as long as I got something to believe in. As long as I got something to believe in. As long as I got something to believe in. As long as I got something to believe in. We'll be right back. Martin Garrix avec Mike Young, c'était Dreamer sur Studek Web. Le coup de boost, c'est le deuxième réveil de la journée, de 14h à 15h sur Studek Web. Vous continuez de réagir sur les réseaux sociaux, il y a quelques tweets, Axel, c'est toi qui t'occupes du téléphone aujourd'hui. Exactement, sur Twitter, on a Romain, @branchedarbre, qui dit... oui, c'est son vrai blase, je crois, mec. Le PSG, en ce moment, c'est comme un épisode de Dora l'Exploratrice. Au final, le ballon trouve toujours le chemin des buts. Alors, je suis pas très calé en foot, Nathan, peut-être un petit peu plus que moi. Parce que hier soir, je sais pas si vous avez vu le match PSG-Monaco. Oui, oui, oui. C'est fini en débandade, 4-0 pour le PSG. Le PSG qui est quand même sur 13 matchs, 13 victoires. Waouh. Comme j'ai deux animateurs qui ne suivent absolument pas le foot. Je fais bien le mec sans qui fait semblant. Ouais, c'est bien, mais peut-être vous suivez d'autres sports, j'en sais rien. Non, pas du tout. Ça se voit calé sur le sport, c'est vrai. Bon, on a quelques infos inutiles à vous donner, avec une première info sur l'histoire du coca, un truc comme ça, Axel. Ah, exactement, alors le coca, d'ailleurs c'est une info pas si inutile que ça en réalité, parce que je vais vous dire, jusqu'en 1929, il y avait de la cocaïne dans le Coca-Cola, c'est pas dingue. T'es en train de parler de cocaïne sur une période de grande écoute, Axel. Alors, que c'est illégal, on rappelle que c'est totalement illégal, qu'il est totalement dangereux aussi. Totalement. Un petit peu. Alors la recette du coca, elle est totalement gardée secrète et on a le droit de se poser des questions, c'est pour ça. L'origine du coca, en fait, à la base, ça s'appelait le French Wine Coca de Pemberton, c'était très compliqué comme nom. Et ça contenait un mélange de feuilles de coca du Pérou, des noix de cola, de damiana et du coca théilène, qui est un mélange donc de cocaïne mélangé à de l'alcool. Les deux combinés, ça faisait le Coca-Cola. La substance, elle était hyper faible, mais moi je trouve quand même ça rassure de savoir qu'il n'y en a plus maintenant. Hein. On peut boire ça tranquille. Faire un petit verre de coca le matin, mon pote. Je peux te dire qu'après, t'en as pour la journée. Hein. On va se demander comment tu es actuellement, Axel. Je peux me demander si t'en as pas bu il y a 5 secondes. Un litre de coca, c'est parti. Moi je suis là pour casser une petite idée reçue. Et d'ailleurs, Mathias, tu vas faire la même chose dans quelques instants. Exactement. J'ai une question à vous poser à vous, l'équipe, et à vous qui nous écoutez. Où dorment les oiseaux ? Dans un nid ? Ouais, je dirais dans un nid. Eh ben non ! Absolument. Arrête. Pas. Non, non, un nid n'est pas un museau pour les oiseaux. Mais non, pas du tout. En fait, un nid, c'est un réceptacle à œuf. Parce que poser un œuf directement sur une branche, ça fait une omelette. Un oiseau construit un nid seulement. C'est vrai. Un oiseau construit un nid seulement pour trois raisons : couver les œufs, nourrir les oisillons, et aussi pour se la péter devant tous ses potes, parce qu'il faut avouer que c'est quand même un petit peu badass. C'est tout. Vous allez me dire, mais comment ils font alors pour dormir ? Bah tout à fait, comment ils font C'est très spontané, merci les gars. Bah la nuit, en fait, les oiseaux se mettent sur une branche un petit peu perchée, sur un arbre, et ils dorment sur cette branche. Alors non, ils ne tombent pas. En fait, ils sont équipés de tendons fléchisseurs. Quand leurs pattes se plient sous leur poids, les doigts se resserrent automatiquement. Ah, c'est fort, c'est incroyable. Absolument pas. Une dernière info, Mathias ? Ouais, info histoire aujourd'hui. Et ben sachez-le, on nous ment depuis des années. Je vous explique. Si je vous parle de vikings, comment est-ce que vous les imaginez, les gars ? Bah, avec des casques et des cornes. Et non, une moumoute. Putain. Il faut réviser. Au contraire, ils avaient aucune corne en fait sur leur casque. Ils avaient des casques normaux. Un petit peu en cuir, tu vois, parce que c'était beaucoup trop lourd. Avec des cornes, hein. Des cornes, ça pèse quoi ? Ça pèse facile 5 kilos, 5 kilos sur ta tête, mon pote. Ça fait mal. Ouais, ça risque de faire mal, donc c'était plus pour leur donner une sorte de vision barbare un peu, tu vois. Tu sais, le fait d'avoir des cornes, etc. Tu viens complètement de casser un mythe, là. Tous ceux qui regardent le dessin animé Dragon. Ah, mais vous avez, les enfants, vous avez pas fini, là. Je suis très déçu. Bon, vous restez avec nous, puisqu'on va écouter le son dans un instant de Marwa Loud. Du jour qui arrive aujourd'hui sur les dessins animés pour adultes, les personnages de cartoon, Titeuf qui va nous. Pujol qui va nous parler de Titeuf. A tout de suite sur Studek Web. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de Studek Web. Pour votre sécurité et votre confort, nous vous demandons de nous accorder votre attention. Merci de vous installer paisiblement dans vos sièges et de monter le son de votre radio. Pour passer un agréable voyage en notre compagnie, nous vous recommandons de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, Studek Web. En cas de dépressurisation des ondes, merci d'attraper votre ordinateur qui se trouve sous votre siège et suivez-nous en vidéo sur le site www.studioecoledefrance.com. Les autres radios passent toujours la même chose. Boostez le son. Tous vos hits préférés sont sur Studek Web. Studek Web. 100% nouveaux talents. Elle t'a piqué, t'as du mal à nous l'expliquer. Elle t'a piqué, piqué gros, t'allais tout donner, mais fallait pas laisser te piquer, fallait pas tout donner, fallait pas, t'allais laisser te piquer, me volait pas, fallait pas tout donner, que ça allait pas, tout le monde la connaît, gros tu déconnes, elle t'appelle bébé, tu déconnes. Qu'est-ce qu'elle est bonne, fallait pas tout donner, sois pas étonné. Elle t'a tout volé, ton ego, ton cœur, ton porte-monnaie. Elle t'a piqué, t'as du mal à nous l'expliquer. Elle t'a piqué, tu penses qu'à elle toute la soirée. Tu penses qu'à elle, donc tu t'amuses plus. Même tes potos te reconnaissent plus. Y'a que le barman qui t'encaisse plus. À croire sur terre, il n'en reste qu'à elle. Ils veulent plus de toi ici, laisse-les passer leur soirée. Pourtant t'es belle, c'est ballon. T'as mis tes plus beaux talents. Mais ça suffit plus, maintenant ce qu'ils te souhaitent c'est que du malheur. Gros t'allais tout donner. Mais fallait pas la laisser te piquer. Sur Studek Web, vous êtes les bienvenus si vous venez nous rejoindre. On parle tout de suite des dessins animés dans le dos du jour. Tu sais qui est-ce qui m'a téléphoné hier? C'est pas vrai. C'est Jean-Louis. C'est pas vrai. Oh le fofol. Catherine Jablasi. Moi, un certain âge, bon ça va. Belle plante blonde. Ah ouais, mais c'est trop bien quoi. Le dos du jour sur Studek Web. Alors Mathias, aujourd'hui t'as décidé de revenir sur les dessins animés pour adultes. Oui, c'est ça. Comment ça pour adulte? Je m'attendais à ce genre de réaction, je te contre tout de suite. Non, pas ce que tu penses, parce qu'on est sur l'heure de grande écoute que tu défendais tellement tout à l'heure. Là, on parle plutôt des dessins animés un petit peu avec une sorte de morale derrière. Les dessins animés sont souvent d'ailleurs associés aux enfants, et c'est plutôt vrai. Mais en soi, il y a de plus en plus d'offres qui abordent des sujets d'actualité et parfois même graves, de la simple opinion politique à la dépression en passant par les drogues. Il y a de réels enjeux derrière chaque épisode qui peuvent paraître au premier abord assez enfantins. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous donner mon top 3 des dessins animés pour adultes à voir absolument. Numéro 3, les Simpsons. Oh j'adore. Numéro 3. Oh, je suis ultra fan. Et oui, est-ce qu'il y a vraiment besoin de présenter un tel classique? Je pense que non, je vais simplement dire que derrière chaque personnage, il y a un véritable background avec beaucoup de situations type de la vraie vie. Numéro 2, South Park. Ah, South Park. Poésie, courtoisie et délicatesse ne sont absolument pas les mots d'ordre de cette série. Chaque épisode traite d'une thématique de société, on va dire assez importante, à la perfection, avec un langage, familier. Enfin, jugez par vous-même. Pourquoi j'ai pas pris une petite minute pour réfléchir? Parce que tu es colérique, voilà ton problème, jeune homme. Allez vous faire foutre, c'est même pas vrai. C'est la meilleure VF du monde, mon dieu. Et mon numéro 1, mon gros coup de cœur, Rick et Morty. C'est la plus grosse claque que je me suis prise depuis des années. En trois mots, magnifique, surprenant et piste au portail. Bon, je préfère vous laisser découvrir par vous-même. Il y a 3 saisons, bientôt 4, et ça risque de bientôt disparaître de Netflix. Alors je vous conseille d'aller mater ça dès maintenant, parce que vous ne le regretterez absolument pas. Sachez en tout cas qu'il s'agit vraiment de mon avis, et qu'il n'y a pas une série qui est meilleure que l'autre. Bien sûr, et d'ailleurs, Rick et Morty, tu nous en perds quand même depuis au moins un mois. Un mois. Tu rigoles ou quoi? Ça fait un an facile. Tous les un jours. Mois. Un mois. Un je mois suis sûr, un mois. Là, sur ce coup-là, ça fait au moins un mois que tu nous en parles. En plus, c'était précurseur sur ce truc-là. C'est vrai. Bon, comme moi, j'ai décidé de vous faire découvrir un personnage. Je vais tenter de l'imiter. En tout cas, il va arriver dans le studio. Est-ce que vous êtes prêts de l'autre côté de l'écran? Ouais. Allez, on se met en ambiance, il arrive. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez? Hola, comment estás? Estás bien? Qu'est-ce que c'est que ça? Hola, mi amo, yo soy très content d'être con vosotros, con todos. Ah, caramba, yo soy un souris très, très, très, très rapide. Yo soy la souris la plus rapide de tout le Mexique. Y a también un grand chapeau que se llama un sombrero que fait trois fois la taille de ma tête. Y un pantalon blanc comme les pejones mexicanos. Y también un petit foulard rouge autour de l'écou. Est-ce que vous savez qui y a joué? Ah, j'ai une petite idée, moi. Ouais, ça sent le Speedy Gonzalez, ça, mon pote. Ça sent le Speedy Gonzalez. Ah ouais. C'est lui. Speedy González se los trae. ¡Yepa, yepa! ¡Y arriba, arriba! Et vous continuez de réagir sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram avec le hashtag du jour qui est hashtag dessin animé. On a déjà plusieurs réactions. On a Billy qui réagit. Exactement, sur Twitter, @rebeudeter. J'ai 24 ans et il m'arrive encore de passer des soirées dans mon lit à regarder des dessins animés. Je dois m'inquiéter. C'est une question. Merci de m'aider, l'équipe. Alors ça dépend si tu regardes. Oui, le soir, oui. Tu dois t'inquiéter, clairement. Ouais. Après... Vas-y. Par contre, si tu regardes un dessin animé un peu plus adulte, comme nous l'ai présenté South Park, tout à l'heure, par exemple. Voilà, South Park, là par contre, là, tu es excusé amplement. Hein. Tout à fait. Et puis j'ai envie de te dire, 24 ans, tu es encore jeune. Écoute, oui. Amuse-toi et regarde des dessins animés autant que tu en as envie. Clairement, on a aussi une deuxième réaction de Allison. Allison, oui, Alissou87 sur Twitter aussi. Elle me dit, moi quand j'étais petite, avant d'aller à l'école, je regardais le Marsupilami, c'était trop bien, j'étais persuadé qu'il existait vraiment. Et ben moi aussi, ah, totalement. Putain, pareil, mec. C'est un truc de fou. Et pourtant, il est jaune, genre le truc improbable. C'est très récemment que j'ai appris qu'il existait il pas. Il faisait des bonds de 20 mètres dans le ciel. C'est grave, mec, je suis resté dans mon ignorance pendant tellement longtemps. C'était hyper drôle. En plus, il avait genre des bébés, genre tout petits de couleur et tout, genre c'était trop mignon. J'adore. Vous n'oubliez pas, dans un instant, on joue. Axel, c'est bien rigolé, mais il faut aussi que les auditeurs se fassent plaisir. Tout on à joue fait. Dans un instant. Maison, poisson, hélicoptère, ver de terre, pain, biscotte. C'est chelou un petit peu. C'est le booster. Sur Studek Web. Avec le hashtag booster sur Facebook, Twitter, Instagram. Il y a beaucoup d'inscriptions depuis le début de l'émission. T'es débordé, Axel, là, clairement, sur les messages. J'en vois partout. Là, vous êtes, mais beaucoup trop beau taquet aujourd'hui. Et c'est top du top. Continuez comme ça. Vous êtes magnifique. On dirait que c'est un coach qui coach son équipe. Qui ah non, mais tu nous attaquais là. Plus on est nombreux, plus on est content et mieux c'est. À la clé, un pack Studek Web à remporter. Pour ça, c'est très simple. Vous avez une chance de remporter ce pack seulement si vous trouvez le mot caché du jour. C'est le mot du booster. Votre objectif, c'est de poser un maximum de questions. Je sais que ça, c'est assez compliqué pour les auditeurs de poser un maximum de questions pour retrouver ce mot imaginaire que nous avons tous dans la tête. Le jeu, en gros, pour résumer, c'est un devine-tête. Ça, c'est facile. Avec le dos du jour, je vous le rappelais tout à l'heure, le premier indice, c'était... C'était un personnage de dessin animé. Oui, on s'était limité à là pour l'instant. Ouais. Après, est-ce que tu aurais un autre indice à nous proposer, Nathan, éventuellement? Alors, le deuxième indice que je vous donne, c'est qu'il aime la bière. Donc, un personnage de dessin animé qui aime la bière, on est bien d'accord. Donc, on n'est plus sur des dessins animés adultes. Ah, tout se rejoint. Ça, moi. Ça fait un petit peu le troisième indice, Mathias, un petit peu, hein, légèrement, peut-être plus. Bon, en tout cas, vous avez déjà ces deux indices. On joue dans un instant et on va aussi écouter le son. Vita Cene! Un petit tour du côté d'Italie avec Eros Ramazzotti, si possono ascoltare la musica di Eros Ramazzotti qui arrive. On va parler de l'info du vrai faux dans un instant aussi avec Mathias, avec deux journalistes exceptionnels, hein, faut l'avouer. Exactement. Mathias Sophie Lapix et Nathan Delahousse qui arrive dans un instant. On vous en parle juste après sur Studek Web. Tous les jours, de 15h à 16h, vous retrouvez Borderline. Borderline, c'est cette équipe de trois fous de culture qui viennent tout droit du musée Grévin. Trois personnes qui dépassent complètement les bornes, Julie, Morgane et Corentin, reviennent aujourd'hui sur des séries cultes, des musiques de la pop culture qui font encore danser la planète entière. J'ai vu Julie tout à l'heure dans les couloirs de Studio Club, elle avait mis ses lunettes de première de la classe. J'ai jamais vu comme ça, elle reste toujours aussi belle, je dis, même avec des lunettes. Borderline, c'est juste après de 15h à 16h, et c'est seulement sur Studio Club. Le coup de pouce, c'est le deuxième réveil de la journée, de 14h à 15h sur Studek Web. De retour sur Studek Web, le Flash Info aujourd'hui est présenté par deux animateurs. Il est 14h30, c'est l'heure pile pour lancer le Flash Info. Et c'est nouveau, lancé par deux animateurs et ça réserve quelques conneries. Je vous laisse écouter. Ah ouais, mais non, c'est pas ça les infos. L'info du vrai faux, c'est sur Studek Web. L'info du vrai faux, présenté aujourd'hui par Nathan Delahousse et Mathias Sophie Lapix. Bonjour Nathan, bonjour. Bonjour à tous, un point sur l'économie pour démarrer ce flash avec les chiffres du pouvoir d'achat en hausse, Mathias Sophie Lapix. Et oui, les chiffres sont tombés ce matin, hausse historique du pouvoir d'achat en France. Pour le dernier trimestre, 100% des foyers dépensent plus de 1000 euros par jour. Cette hausse fait suite à la déclaration d'Emmanuel Macron, je cite « Tout est gratuit mes frères, voilà ». Déclaration qui a choqué l'opinion publique, le CDFF, Comité de Défense des Foufounes de France, a saisi la justice, accusant le chef de l'État de sexisme et de machisme. Camille Mouillet, la présidente du mouvement, a tenu à réagir ce matin au micro de Studek Web. Ouais, c'est n'importe quoi là en fait. C'est contre nature. Il a dit mes frères, voilà. Il a dit mes frères, il a même pas dit mes sœurs. Choquée. C'est comme si je te dis t'as des pieds, t'as pas de chaussures. Trop chum le mec quoi. Camille Mouillet qui manifestait ce matin sur la place de la République à Paris. Sans transition, high-tech et cette formidable invention de nos chercheurs français pour la société Hubble. Aujourd'hui, Bernard Grosse-Poutre présente son prototype du sexe connecté à la firme américaine. Construit avec de l'acier inoxydable, le nouveau iZZ a pour but de prendre la forme du zizi de la star de votre choix par une simple application. De Passepartout à Teddy Riner, le prototype promet une commercialisation pour printemps 2019. Un projet d'étude est en cours, d'ailleurs pour le High Foufoun. Et on finit ce flash avec un fait divers, Mathias. Et oui, un an après avoir surpris la France entière, les streamers français remettent le couvert et doublent leur exploit de l'année passée en levant plus d'un million d'euros en 50 heures pour Médecins Sans Frontières à l'occasion du Z-Event 2018. Cet événement caritatif à l'initiative d'Adrien Nougaré alias Zerator en est à sa troisième édition et n'a pas fini de nous surprendre. L'info du vrai faux, c'est terminé. On retrouvera Nathan Delahousse demain aux côtés d'une nouvelle journaliste, Axel Chazal. Il viendra nous présenter le flash info pour le flash de 14h30. Ne le manquez pas, c'est l'histoire de Quentin Tigeant aussi qui arrive dans un instant. Et on va faire un petit tour dans les bacs à musique avec Axel. Une musique qu'on entend un petit peu partout. On en parle juste après sur Stilek Web. Eros Ramazzotti. Guardami negli occhi. Non c'è niente da nascondere, non sarò mai pronto come vuoi tu. Tutta questa pioggia sta bruciando la mia anima, dammi un altro giorno, io non mi fermerò. Questo viaggio lo faremo insieme, tutto un senso ci appartiene, vita c'è. L'amore che si rinnova, ripartiremo insieme, non c'è una direzione sola per noi, per noi. Sento un sole tiepido e se tu sarai la mia energia, io non mi fermerò. Questo viaggio lo faremo insieme, tutto un senso ci appartiene, vita ce n'è, sai ancora, l'amore che si rinnova, lo costruiremo insieme, non c'è una direzione sola. Sogno non finisce, o è tutta verità, la nostra è una scommessa, tra due fuochi che si uniscono, io ci giurerei che un'altra vita in due è possibile. Vita ce n'è, sai ancora, l'amore che si rinnova. Ripartiremo insieme, non c'è una direzione sola per noi. Che bello! C'était tout ce petit voyage en Italie sur Stilek Web. Vous êtes sur le coup de boost Et il y a un personnage qui vient tout juste d'entrer dans les studios de Studec Web, il s'appelle Quentin Tigeant. Bonjour monsieur. Oh bonjour, vous avez déjà dit mon nom, je m'appelle Quentin Tigeant, c'est pas la première fois que je viens. Mais bon, laissez-moi donc vous conter mon histoire. Il s'agit d'une époque lointaine et révolue où ma barbe et mes cheveux n'étaient pas encore blancs, où ma voix de vieillard ressemblait plutôt à celle d'un genou, sans histoire ni problème. Avec une véritable passion pour les séries. Ah ouais, qu'est-ce que j'ai pu en regarder. Quand j'y repense, c'était quand même sacrément bien. Et puis un jour, je me suis fait spoiler la saison 2 de La Casa des Papel. Et à partir de là, j'ai commencé à sombrer. Pourquoi tant de cruauté? Pourquoi moi? Je n'avais qu'une seule chose en tête. Cette petite voix qui me criait sans cesse. Venge-toi! Allez, venge-toi! Si tu spoiles les autres en premier, ils ne pourront plus te spoiler. C'est simple, basique. Tu n'auras qu'à regarder chaque épisode. Et pouf! Tout le monde te détestera. Et s'il avait raison? D'ailleurs, j'en suis convaincu. Il a raison. Devenir un maître spoiler, voilà ma destinée. J'ai alors commencé ma quête pour regarder chaque épisode de chaque saison, de chaque série, pour spoiler chaque personne sur cette terre. Telle est ma destinée. Les forums, Twitter, Facebook, Instagram et Internet tout entier étaient mon champ de bataille. Mais malheureusement, un jour, je suis tombé en dépression, très rapidement. Je regardais 3 épisodes par soir. Parfois, j'en regardais même 2 simultanément. Ma famille, ma copine et mes amis m'avaient abandonné. Mon oncle m'a même déshérité le jour où je lui ai spoilé Breaking Bad. Et un beau matin, je ne me suis pas réveillé. J'étais dans une pièce blanche, sans un bruit. Et il était là devant moi. Dark Sasuke 26, le dieu du spoil. « Enfin, je te rencontre, » me dit-il. « Où suis-je ? » ?»« Au paradis des fils d'Op, mon ami. Là où tous les maîtres spoilers peuvent se reposer sans crainte. »« Mais ça veut dire que je suis mort ?» Non, tu as simplement trouvé la sagesse en finissant cette 57e saison de The Walking Dead. Tu es ici chez toi, Quentin. Excusez-moi. Oui ? Vous êtes nouveau ici, n'est-ce pas ? Absolument, oui. Vous devez prendre connaissance du règlement de ces lieux. Très bien, allez-y, je vous écoute. Vraiment ? En réalité, personne ici ne m'écoute jamais car j'ai une voix complètement à chier. Du coup, je vous épargne les autres règles puisqu'à la fin, il est écrit que spoiler, c'est mal. Alors arrête. Immédiatement. Je me suis alors réveillé et c'est ainsi que j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de spoiler parce que ça cassait les couilles à tout le monde. Et j'aimerais que tout le monde puisse suivre cet exemple. Merci et bonne journée, je m'en vais. Merci Mathias, toi qui me dis que tu m'as spoilé. Quentin Tigeant, merci toi qui viens de me spoiler quand même de Walking Dead il y a 5 secondes dans les couloirs. Hein. Merci. C'est oui. Faut quand même revoir son texte quand on le prononce. Écoute, c'est pas moi, je le rappelle. Essaye de t'accorder, enfin. On change complètement de monde maintenant, on va passer dans les bacs. Toutes les musiques sont sur Studec Web. Focus dans les bacs, sur Studec Web. On change complètement de monde maintenant, Axel, avec une artiste que tu as décidé de nous présenter dans les bacs. Voilà, oui. Je vais vous présenter Aya Nakamura. Alors, si vous ne la connaissez pas, c'est une chanteuse de R&B française qui est originaire d'Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Il faut savoir qu'en 2017, elle sort son premier album qui est intitulé Journal Intime et en 2018, Nakamura. C'est l'album qu'on entend absolument partout. Mathias, Nathan, on est d'accord ? J'en ai entendu parler de partout. Partout un peu trop. Les feats avec Niska, il y a Nakamura par-ci, il y a Nakamura. Alors je vais donc vous parler un peu plus de son deuxième album en détail, ça cartonne en ce moment. Et alors pour commencer, c'est clairement le tube de l'été, c'est Dja Dja. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh Dja Dja, y'a pas moyen Dja Dja. Et oui, c'est de la bombe ce son, et alors je vous le dis, Aya, elle est numéro 1 aux Pays-Bas autant qu'en France. C'est un exploit qui n'était pas arrivé à une artiste française depuis les années 1960 avec, devinez quoi, Edith Piaf. Incroyable. C'est énorme. Et son, je ne regrette rien. Son son, je ne regrette rien. Il y a quand même une galaxie d'écart Aya Nakamura et Edith Piaf. Hein. On critique absolument personne, mais il y a juste une énorme écart entre Edith Piaf et Aya Nakamura, et ça, je trouve ça juste énorme. Ce qui nous prouve un petit peu le changement de notre société actuelle. Mais bon, tous les clubs et boîtes de nuit la diffusent, parce que c'est vrai qu'avec un petit verre le samedi soir, ça ambiance à mort Aya Nakamura. Et tiens, petite info, si je vous dis le Duc de Boulogne, ça vous dit quelque chose ou pas ? Eric Zemmour. Oui. Mathias, le pro du rap, il est là. Booba. Forcément. Yes, Booba, le boss du rap, B2O pour les intimes. Et bien, lui aussi, il kiffe Aya Nakamura, puisqu'il a posté sur Insta sa playlist du moment. Et beaucoup de titres de Aya y figurent comme Copine, qu'on écoute maintenant. Et d'ailleurs, bravo à elle, parce que Booba, il a rarement l'habitude de féliciter notre chanteur ou chanteuse. C'est vrai. Je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, barrer, mais t'en veux encore. Toi, tu provisais dans le mic. Faudra trouver un alibi. Trop tard, trop tard. J'suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard. J'suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Tu veux la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Tu veux que bomba. Nakamura, non, la kiff sur Studek Web. Et Nathan, est-ce que tu es la meilleure copine de Aya? Bah oui, arrête de me dire ça. Eh bien, vous pouvez la retrouver en concert le 30 mars à la salle Julien de Marseille ou encore à l'Olympia à Paris, mythique salle. Ça se passera le 31 mars et je vous rappelle, son album Nakamura est disponible depuis le 2 novembre sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Vous continuez de réagir sur les réseaux sociaux et dans un instant... Oh, oh. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah, c'est une sirène, on dirait qu'on est en train de se faire poursuivre par les flics. Que se passe-t-il? Il semble que c'est l'alerte média, Axel. Qu'est-ce qui s'est passé sur ton téléphone? Eh bien, ça vient de tomber. Dans une interview accordée à West France, Cyril Hanouna confirme qu'il aimerait battre son record de nombre d'heures de direct. Le présentateur de Touche pas mon poste a déjà présenté toute la soirée de C8 vendredi dernier avec Dites-le à Baba et Balance ton host. C'était le nom de ces deux émissions. Ça s'est passé jusqu'à 1h du matin. Mais alors, est-ce que ce n'est pas un peu trop, s'interroge West France. Alors Cyril Hanouna répond de façon très claire. Je n'y vois aucun inconvénient dans la mesure où il m'arrive régulièrement d'animer Touche pas à mon poste, puis un prime time. Et puis si le public est au rendez-vous, c'est parfait. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup tester les 64 heures de direct, je vous réserve la surprise, pardon, a-t-il déclaré. Alors 64 heures de direct, moi ça me paraît quand même beaucoup, après je ne sais pas. Hein. Ouais, pour mémoire, il n'avait pas déjà fait une émission de 35 heures. Justement, j'allais y venir, en fait, il y a 2 ans, Cyril Hanouna, il a déjà animé 35 heures d'émission en direct sur C8. Il y a des gens qui regardent 35 heures, tu penses? Et je sais pas. Sérieusement, mais, sans se relayer, mais je trouve ça juste énorme. L'équipe, je sais pas, vous êtes plutôt pour ou contre 64 heures de direct, Nathan? Non, c'est trop. C'est trop. Déjà, 35 heures, c'était énorme, on n'en pouvait plus. Il y a la moitié des gens qui ont décroché à 1h du matin. Ça fait quoi? Ça fait partir sur 65 heures, ça c'est fait terminé. 3-4 jours. 3-4 jours. Ah, j'en sais rien. C'est énorme. 75 énorme. Heures, c'est énorme. On répond à vos messages en quelques minutes, le temps d'écouter le son de Lady Gaga. Sur le son de I Want Your Love, c'est ce qui arrive dans un instant. On va aussi jouer au booster avec le hashtag booster. Vous continuez de participer pour tenter de remporter le pack Studek Web. On vous rappelle les règles. Le hashtag booster, vous participez sur Facebook, Twitter, Instagram et vous tentez de remporter ce pack Studek Web magnifique. C'est hyper simple. Pour ça, il faut retrouver le mot auquel on pense autour de toute l'équipe. Ça arrive dans un instant sur Studek Web. À tout de suite. Bonjour, c'est Mehdi Mansouri de L'Heure Média. Du lundi au jeudi avec Alice Pascal, nous décrypterons tous les faits d'actualité média. Vous aimez les débats, le showbiz ou encore la découverte ou redécouverte d'une émission mythique? Branchez Studek Web du lundi au jeudi de 16h à 17h pour L'Heure Média. Réagissez également en direct pendant toute l'émission via les réseaux sociaux Studek Web. L'Heure Média, ce sont nos médias et surtout vos médias. dose de kiff, c'est avec l'équipe du coup de boost sur Studek Web. Studek Web, vous continuez de réagir sur les réseaux sociaux. On va parler tout de suite de la boîte noire. Vous nous laissez vos messages depuis le début de l'émission. On démarre avec les premiers messages. Allô ? Allô ? Putain, encore répondeur. Oui, c'est le coup de boost. Alors, moi, le dessin animé de mon enfance, c'est Dragon Ball. J'espère que vous aussi, sinon on va faire la bagarre. Salut l'équipe, c'est quel numéro pour vous appeler ? Vous laissez un message ? Merci en tout cas, je vous kiffe. Hein. Salut l'équipe du coup de boost, bah, c'est Stéphane hein, et j'ai vu que vous parliez de dessin animé et moi justement c'est grâce à un dessin animé que je fais le métier que je fais aujourd'hui. Allez salut l'équipe, salut tout le monde. Wow. On a quelques messages quand même. Bon, les premiers messages c'était un petit peu de la rigolade. Hein. Faut la... le mec qui appelle pour nous dire c'est la messagerie, c'est quand même très très fort. Alors on a tester. Eu plusieurs quand même messages, on a eu le message sur Dragon Ball et on a aussi eu le message sur Stéphane. Stéphane ouais, qui ça. Nous disait qu'il était... Qui faisait un métier aujourd'hui en rapport avec le dessin animé qu'il regardait quand il était plus petit. On décide de rappeler qui. On rappelle Stéphane. Moi ouais, je dirais Stéphane. Ouais, on rappelle ouais, Steph. Ouais. Allez, c'est on rappelle sympa. Steph. C'est intéressant, c'est en lien en plus avec. On rappelle Stéphane. Stéphane, est-ce que tu nous entends ? Salut, oui, je vous entends très bien. Salut Steph. Bienvenue Steph, sur Studek Web, Stéphane. Merci. Alors, c'est vrai que tu nous as un petit peu saoulé là, l'équipe. À l'instant, c'est vrai qu'on est en train de s'interroger depuis tout à l'heure parce qu'on se dit, mais quel métier il fait le mec ? Moi, je suis en train de me demander, mais est-ce qu'il a vu Oui, il fait taxi ? Voilà, déjà, la première question qu'on aimerait te poser, mec, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie comme métier ? C'est quoi ton taf exactement ? T'es pas une éponge, t'es pas Bob l'éponge. Ah non, le mec, il est plongeur. Hein. Alors, tu fais quoi dans la vie, mon Steph ? Alors, moi, dans la vie, en fait, je fais pompier. Bon, j'ai toujours kiffé tout ce qui était dans le délire pompier, etc. Mais ça m'a vraiment, vraiment, vraiment motivé quand j'étais plus petit. C'est là d'où a commencé la passion, on va dire. Parce qu'en fait, j'ai vu simplement le dessin animé Sam le pompier. Ah, énorme ! Ah, c'est énorme ! Et t'étais fan, c'est ça ? Ouais, j'étais grave fan. Je regardais tout le temps Sam le pompier, etc. Après, ma mère, elle m'achetait des jouets en mode camion de pompier, machin. Et puis après, c'est vrai que quand j'ai commencé à grandir, et bah, j'ai fait plein de trucs dans les casernes, etc. Des visites et tout. Et ça m'a vraiment encore plus motivé. Mais de base, de où c'est parti tout ça, c'est vraiment Sam le pompier, enfin, c'est sûr et certain. Incroyable. J'ai une question, moi. Est-ce que tu reprends dans ta vie de vrai pompier, est-ce que tu reprends certains gestes que tu voyais dans le dessin animé ou c'était complètement bidon et c'était complètement inventé ? Bah, inconsciemment, ouais, des fois je refais un peu le générique quand il sort du camion et tout, je me prends un peu pour énorme. Ah, c'est chiant, mais tu m'as dit t'attends 30 minutes parce que le mec il fait sa choré dehors. C'est le générique. Mais ça, mes collègues ils le savent pas, mais je pense que comme ils vous écoutent, ils vont entendre, ils vont carrément me chambrer quand je vais revenir. Et ben on leur fait un bisou. Dédicace, hein, ouais. Dédicace à la caserne de pompiers, d'où ça ? De Poitiers. D'accord, okay, bah, de Poitiers. Ok. Bah, on embrasse la caserne de pompiers de Poitiers. Est-ce que tu regardes aussi d'autres dessins animés encore aujourd'hui ? Parce que tu as quel âge, Stéphane ? J'ai 21 ans. Tu ouais. regardes peut-être encore des dessins animés ? Ouais, t'es adulte. Arrête tu avec quel ça. Genre de dessins animés ? Je suis sûr que tu regardes les Simpsons. Oui, bah forcément, comme tout le monde. Hein. Bah normal. Simpson, South Park, c'est des indémodables. Forcément. Ah bon. Et tu regardes encore les Simpsons, South Park. Ouais. Tu regardes ça avec ta femme, peut-être t'as une copine. Oui. Avec tes enfants. Non, j'ai pas d'enfants, malheureusement, j'en voudrais. Mais ouais, je regarde ça avec ma femme. Enfin, ma femme, on n'est pas mariés, mais ma copine. Et ouais, on regarde ça ensemble. Et c'est vrai qu'on rigole bien, c'est cool. On est sur la même longueur d'onde niveau dessin animé, donc c'est cool. Et bah, quand t'auras des enfants, tu revivras ton enfance. Tu regarderas avec eux les dessins animés de leur génération. Fais leur maté, Sam le pompier. Ouais, et oui, parce que moi j'adore oui, parce que c'est un taxi et qu'il a un petit clown. Genre, je trouvais ça trop cool. Okay. Je vais leur faire regarder des dessins animés de docteurs, comme ça ils seront médecins, ils auront un très bon salaire. Ah, il est fort. T'as clairement raison, Stéphane. Tu restes avec nous parce qu'on trouve quand même que t'es sympa, tu vas jouer avec nous au jeu du booster. Ah bah ouais, trop bien. Maison, poisson, hélicoptère, ver de terre, pain, biscotte. C'est chelou un petit peu. C'est le booster. Sur Studek Web. Vous avez été nombreux à participer au jeu du booster pour tenter de remporter aujourd'hui un pack Studek Web. Alors, c'est rappelle-moi Steph. Ce qu'il y a quand même dans alors, ce pack. Il y a les crayons Studek Web, il y a les stylos Studek Web. Il y a des autocollants. Il y a des autocollants. Il y a le poster dédicacé par toute l'équipe. Il y a les jantes, tu déconnes. Non, il y a pas ça. Il y a la visite des studios. Non, je rigole, mais il y a les visites des studios aussi. C'est incroyable. Trop bien. On vous fait visiter les studios, on fait des photos, on discute ensemble, on prend connaissance et ça, c'est le top. Du coup, on vous le rappelle, si vous venez tout juste de nous rejoindre pour le jeu du booster sur Studek Web, on a au téléphone Stéphane, t'es toujours là ? Oui, je suis toujours là. Stéphane, tu nous viens du coup de Poitiers, t'es pompier, ouais. Et voilà. Ta passion, je t'ai pas posé la question, t'as des passions dans la vie, je sais pas, du sport peut-être, tu fais des jeux? Ouais, bah j'aime bien le rugby, j'aime bien le foot, après passion, bah comme tout le monde un peu, hein, Xbox, PS4 et télé. Hein. Ah, t'as clairement, t'as compris les bases. Ok Stéphane, tu joues du coup pour le pack Studek Web, je te réexplique les règles. Ouais, je veux bien. Alors, hyper simple, booster en fait. Toute l'équipe du coup de boost, on pense à un mot. Un mot hyper simple, t'as compris le thème de l'émission, on parle aujourd'hui des dessins animés. Et sur ce thème, du coup, tu vas devoir retrouver ce mot auquel on pense. On t'a déjà donné deux indices, Stéphane. Le premier indice, c'était que c'était un personnage de dessin animé. Et le deuxième, c'était qu'il aimait la bière. Est-ce que tu es prêt à poser tes questions? Je suis prêt. Tu vas voir, c'est facile. Attention à chaque proposition. T'es prêt, Stéphane? Je suis prêt. Allez, c'est parti, le booster démarre. Est-ce que le personnage est tiré d'un dessin animé américain? Yes. Oui. Ok. Est-ce que le personnage a une famille? Oui. Oui, il a une famille. Totalement. Oui, il a une famille complètement déjantée, mais il a une famille. Continue, le temps passe. Est-ce que les personnages sont tous jaunes dans la série? Oui. Bravo mec. Félicitations, on peut applaudir quand même, hein. Bien, on peut applaudir Stéphane. Félicitations, bon Sté. Ah, je suis trop content. C'était merci, donné, merci. Félicitations. Qu'est-ce qui t'a mis sur la piste du coup? C'est dès que t'as dit jaune, on a tout de suite c'est su la bière, que t'avais trouvé. Ouais, c'est plus la bière quand même. Après, je me suis dit, quel personnage dessin animé aime la bière, à part dans les Simpsons forcément? Bah, super, tu repars avec ton pack Studek Web. Félicitations Stéphane, tu rejoues avec nous quand tu veux. Bah oui. Tu es le bienvenu sur Studek Web. On te remercie d'avoir joué avec nous. On vous remercie tous d'avoir joué avec nous. Et on continue demain avec une émission sur les profs. Yes. On va parler des profs. Exactement, on va revenir un petit peu sur l'enfance dans un instant. On va parler des profs. J'ai Julie qui vient de nous rejoindre dans le studio. Salut Julie. T'as enlevé tes lunettes? T'as l'air t'avais tes petites lunettes. Oui, de j'ai enlevé. Tu les as enlevées. Alors aujourd'hui, tu reviens sur tout ce qui est pop, culture, musique, c'est tout ça. Série culte, musique du monde, tout ça. Ça va être un très beau programme. Super Julie. À demain. C'était le coup de boost. À demain. Salut. We're gonna celebrate and dance so free. One more.